J'ai vraiment rien à faire dans ma chambre. Yeah, yeah, yeah, yeah. S'il vous plaît, que tiens, abrez-moi. Je vous en supplie, s'il vous plaît. J'ai vraiment rien à faire dans ma chambre. Yeah, yeah, yeah. J'ai du goût de chose et danser. Mais avec qui? Abrez-moi quelqu'un. Yeah, yeah. J'ai juste le goût que mon agent m'appelle. Il me dit de chanter. Oh, oh, oh. Je monte sur une scène et je crie. J'ai vraiment rien à faire dans ma chambre. Yeah, yeah, yeah. J'ai du goût de chanter, danser. Mais avec qui? Appelez-moi quelqu'un. Yeah, yeah. J'écoute toutes les galas où je suis dedans. Ensuite j'écoute la série passe-partout. Mais après, c'est quoi j'ai à faire? Wow, wow, wow. J'ai vraiment rien à faire dans ma chambre. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai le goût de chanter, danser. Mais avec qui? Appelez-moi quelqu'un. Yeah, yeah. Je vais voir mes fans sur MSN. Mais à chaque fois, je fais juste recevoir des nudes. J'suis vraiment tanné d'avoir rien à faire. Oh, oh, oh, oh, yeah. J'ai vraiment rien à faire dans ma chambre. Yeah, yeah, yeah, yeah. J'ai le goût de chanter, danser. Mais avec qui? Appelez-moi quelqu'un. Oh, oh, oh, no. Finalement, je trouve quelqu'un avec qui parler.